Laissez-moi croire que je vais réussir, laissez-moi croire que je vais percer. On a qu'une vie pour plusieurs rêves, c'est le temps qu'on a pas assez. On court après l'argent à croire que c'est le temps qu'on achète. Si le bonheur existe vraiment, dites-moi où est sa cachette. Je te parle d'un temps où j'en ai fou, on rêvait que d'Amérique. Je te parle d'un temps où plusieurs proches n'avaient pas encore péri. Je te parle d'un père qui bossait dur comme lui, il n'en avait pas 10. Il avait les mêmes faits pour l'or, mais les amis dans le pastis. Après tu veux que j'ai pas la rage, ça fait 10 ans que je dois signer. Moi j'ai dû relever mon père quand son frère fut assassiné. Ma vie a été au débat, des moments de joie où il y en a. Comme le jour où j'ai appris que ma fille s'appellerait Eliana. Faut que je la protège et que j'apprenne ce monde et plein de piranha. Mais sur la vie de mes deux enfants, pour eux je retourne Tijuana. Tu fais le voyou au quartier, mais t'es tout gentil là-bas. Trop parano depuis que Paulette met kilos de shit dans Kaba. Et y'a des frères qui prennent des armes, qui dans la nuit enlèvent des âmes. Ça fait des temps plein de 13 ans et au Hazi y'a même des femmes. Heureusement que j'ai le rap, sinon je crois que j'aurais cané. Souvent la nuit je me confie à lui car je sais pas qui parler. Quand j'ai commencé avec lui, nombreux sont morts et canés. Trois plus tard dans tous mes clips, y'a tout le quartier qui allait. Frère, oublie tous tes pansements avec le temps qui nous guérit. J'ai vécu tellement de trucs de fou que je pourrais t'en faire une série. Merde. Chez nous en une seconde tout bascule. On continue la vie même si le bonheur nous a abandonnés. Y'a des putes bonhommes, des hommes, putes des crapules. Dans le hasé, y'a pas d'âge vrai pour charbonner. Ça c'est en cul sans scrupule, calibre sous le but. Tu veux toucher tes rêves, petit, commence par te cramponner. Interdit comme les pitbulls. On fait du bien, on fait du mal, mais y'a que Dieu pour nous pardonner. Et ouais ça va pas. En bas ça sent la tabac. Des petits détails du cul plat. Aller-retour au gare plat. Sous rapta ça charbonne. Khratalia si je déconne. Plus rien m'étonne. Même ta sœur Michton. On a des tonnes de galères. Nique sa mère. On a l'habitude. Toujours déter. C'est dans la rue que j'ai fait mes études. Du nord au sud c'est la même. Dans toutes les têtes y'a des L et M. On récolte ce que l'on sème. J'ai le sème sème le dum dum. Rien que ça brum brum. Rien que ça rame. Mais diminuer ça khadem dum. Faut des pistons. Fison 357 pigons. Dans la street y'a pas de piston. Petit con faut respecter. Mettez les codes, petit con. L'illicite c'est pas une mode, petit con. Mais des cons sont partout, la justice est nulle part. Le réseau a pété, retour à la case départ. Donc ça va pas, comme en promenade ça fait les gens bas. Dans ma tête c'est le high up, j'entends chanter la cara, j'fais la mara. De bar en bar, barbare comme connard. J'suis berbère, anti-bâtard, anti-tahan. Shit dans la dorade comme un mon crâne, j'traîne le crâne en fumée. En attendant qu'un bâtard vienne me fumer. Ma lunette, toujours de mauvaise humeur. La police une tumeur, revue d'obtempérer et tumeur. On continue la vie même si le bonheur nous a abandonnés. Y'a des putes bonhommes, des hommes, putes des crapules. Dans le hasé, y'a pas d'âge, ouais pour charbonner. Ça sent cul sans scrupule, calibre sous le but. Tu veux toucher tes rêves, petit, commence par te cramponner. Interdit comme les pitbulls. On fait du bien, on fait du mal, mais y'a que Dieu pour nous pardonner. Chez nous en une seconde tout bascule. On continue la vie même si le bonheur nous a abandonnés. Y'a des putes bonhommes, des hommes, putes des crapules. Dans le hasé, y'a pas d'âge, ouais pour charbonner. Ça sent cul sans scrupule, calibre sous le but. Tu veux toucher tes rêves, petit, commence par te cramponner. Interdit comme les pitbulls. On fait du bien, on fait du mal, mais y'a que Dieu pour nous pardonner.